Y'en a qui vont au charbon, qui restent toujours dans le bendo. Calibré dans l'auto, me sort pas le couteau. Même je parle d'ange, je peux le tête mon poteau. Les couilles à Django, armé sur la moto. Gambino c'est trop trop, tu veux la photo trop. J'ai la technique, je suis authentique. Pour tous les prisons de France, les galactiques. Wesh le matin, atikatik, atikatikatik. T'as compris dans la libre. Pour mes voleurs, braqueurs, carteurs. Pour les jeunes en galère qui lèvent sur leur honneur. Pour les vrais, pas les donneurs. Des plats à pas d'heure. Tu me vas y'en nique les bandeurs. Fais pas du rap à la vache, je suis un voleur. Tu veux la photo trop, calibré dans l'auto. À deux sur la moto. Fallait pas faire bobo. J'prends la mise, j'me prends.